L'Institut bangladais des idées du Juche a publié le 21 une déclaration en faveur de l'essai de l'explosion de l'ogive nucléaire de la République populaire démocratique de Corée qui a montré le prestige de la puissance nucléaire Juche.